Nous allons maintenant passer à un autre fleuve, le Rhône. Et je vais demander à, dans l'ordre, Sabrina Marlier, Swen Fontaine et Corinne Rousse de venir. Adesso sentiremo da parte di Sabrina Marlier, che è archeologa al Musée départemental d'art antique, una comunicazione su navi e navigazione nel delta del Rodano all'epoca romana. Sabrina, tra l'altro, ha appena finito di dirigere la pubblicazione di un libro sulla barca di cui forse avete già sentito parlare stamattina, perché se ne è già parlato nella comunicazione di Claude Vella, e la Chiatta, penso che Chiatta sia la traduzione esatta, Arles Rhône 3. Donc je remercie moi aussi l'École française de Rome et sa directrice pour son invitation et pour l'organisation de ce colloque très stimulant. Je remercie également le Centre Camille Julien qui me donne l'opportunité d'intervenir aujourd'hui, puisque le sujet que je vais vous présenter s'inscrit directement dans les thématiques de recherche de ce laboratoire qui m'a formée à l'archéologie navale et qui m'accueille aujourd'hui en tant que chercheur associé. Donc le sujet des navires et des navigations dans le delta du Rhône à l'époque romaine est un sujet assez difficile, si ce n'est délicat, à aborder, puisque contrairement aux époques médiévales et modernes pour lesquelles on dispose de nombreuses sources écrites et iconographiques qui nous permettent d'aborder les caractéristiques, les types de navires et l'organisation des navigations. Pour l'époque romaine, on dispose de très peu de ces sources et ce sont donc les vestiges archéologiques et notamment les épaves qui constituent la matière première qui vont nous permettre d'aborder ce sujet. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui repose sur une étude en cours qui s'appuie sur la reprise du dossier de l'ensemble des épaves du delta du Rhône. Et je vais essayer aujourd'hui de vous faire surtout un état des lieux de ce dossier pour voir ce que l'on peut en tirer et surtout pour voir quelles orientations et perspectives de recherche on peut dégager pour la suite. Donc en préambule, je rappellerai un concept dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, qui est un concept important en archéologie navale, qui est celui d'espace de navigation, qu'on appelle aussi espace nautique ou milieu de navigation, et qui correspond au milieu dans lequel un bateau exerce son activité et pour lequel celui-ci va être adapté. Donc ce concept d'espace de navigation se définit selon trois critères que sont l'environnement, le contexte socio-économique et le contexte culturel, et qui implique qu'en fonction des caractéristiques de ces trois critères, ceux-ci vont avoir une influence directe sur la conception et la réalisation, les types de navires, les formes des navires qui vont évoluer dans cet espace et également sur la propulsion et la direction. J'ai ici surligné le critère environnemental avec les caractéristiques physiques, on va dire, du milieu considéré, puisque pour cette présentation, je vais essentiellement m'appuyer sur ce critère. Donc en tant qu'espace de navigation, les deltas représentent des espaces très particuliers puisque, on l'a vu depuis hier, le delta se trouve à l'interface entre une zone maritime côtière et entre une navigation fluviale. Et dans le cadre du milieu fluvial, la particularité par rapport au milieu maritime, qui est un milieu ouvert, le cadre fluvial représente un espace de navigation linéaire qui va être circonscrit en longueur, en largeur et en profondeur. Et de ce fait, Eric Ritt compare les espaces fluviaux à des gouttières ou à des rubans d'eau. Un autre critère important, ça va être le courant, donc qui va de l'amont vers l'aval, va être pris en compte aussi les débits qui varient en fonction du régime fluvial, et également donc important à prendre en compte les périodes de crue, c'est-à-dire de hautes eaux et périodes d'étiage de basses eaux, qui vont conditionner les rythmes de navigation. Donc on comprend par rapport à ces critères l'importance que va avoir un delta, les caractéristiques d'un delta sur les navires qui vont fréquenter cet espace. Donc concernant plus particulièrement le delta du Rhône, donc celui-ci se trouve à l'ouest de Marseille, donc à l'interface entre la zone maritime côtière méditerranéenne qui se trouve à l'ouest entre le Gros du Roi et à l'est entre Fos-sur-Mer. Ça représente un trait de côte d'environ 100 km et à l'interface donc milieu maritime côtier et fluvial avec à la pointe du delta la cité portuaire d'Arles qui est distante aujourd'hui de la mer d'environ 30 km. Donc aujourd'hui, on l'a vu ce matin avec Claude Vella, le Rhône compte deux bras principaux que l'on voit mieux ici, donc le Grand Rhône ici et le Petit Rhône ici. Pour l'Antiquité, donc très rapidement, puisque Claude l'a évoqué, les sources écrites font état de 2 à 7 bras. Et vraisemblablement, donc, cette différence entre les bras n'est pas liée à des problèmes, on va dire, d'erreur, mais plutôt au delta en évolution. Donc, les sources iconographiques pour l'Antiquité nous présentent, après le changement d'air, donc un delta qui compte 3 bras. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur la mosaïque des corporations, de la place des corporations à Ostie. Avec cette mosaïque qui représente vraisemblablement le port d'Arles, avec qui est identifié par son pont de bateau, et on voit ici le delta avec 3 bras. Cette configuration du delta à 3 bras est confirmée par la table de Peutinger, qui est une copie médiévale d'un document de la fin du IVe siècle, et qui représente ici donc Arles avec le delta à 3 bras. Donc on a vu ce matin avec Claude que cette représentation d'un Rhône à 3 bras après le changement d'air est confirmée par les études géomorphologiques. Donc je rappelle, avec le bras le plus occidental, le Rhône de Pécaïs, le bras central, le Rhône de Saint-Féréol, et ici le bras le plus oriental, le Rhône d'Ulmay. Durant l'Antiquité, je rappellerai aussi, donc après le changement d'air, que Claude a fait état d'une période de calme hydrologique, ce qui va permettre de faciliter la navigation. Cependant, il faut prendre en compte aussi un bras donc assez sinueux avec des méandres donc qui vont en revanche compliquer, on va dire, la navigation dans le chenal. Donc les autres caractéristiques du delta du Rhône, c'est une côte caractérisée par une côte basse et sableuse, et qui va se caractériser aussi par le phénomène qu'a bien expliqué ce matin Claude de part du Rhône provoqué par le dépôt des sédiments du fleuve donc à la sortie du Rhône. Donc ce phénomène était déjà bien compris dans l'Antiquité puisque Strabon notamment nous rapporte notamment que la force du courant donc dépose des sédiments alluviaux et ces sédiments alluviaux bien évidemment vont poser des problèmes pour la navigation au niveau de l'embouchure. Donc ce phénomène de barre et de problème d'accès à l'embouchure a été un problème récurrent à toute époque, et on voit par exemple ce document de la fin du XIXe siècle, donc un navire à deux mâts échoué sur une barre d'avant-côte alors que ce bateau cherche à pénétrer dans un des bras du Rhône. Donc concernant la barre du Rhône dans l'Antiquité à l'époque romaine, donc évidemment on n'a pas d'indication sur cette barre du Rhône qui nous permet de savoir quelle est la hauteur d'eau pour le passage des bateaux. En revanche, on a des indications pour l'époque moderne, et notamment Rambert qui a publié une histoire du commerce de Marseille de 1660 à 1789 nous rapporte des chiffres pour cette période avec une barre qui réduit la profondeur à moins de 8 pieds, c'est-à-dire environ 2,60 m. Et selon les conditions, cette profondeur peut se réduire à 1,30 m. Donc clairement, cette barre du Rhône va limiter le passage des navires, non seulement pour les bateaux qui cherchent à pénétrer dans le fleuve, mais aussi pour les bateaux qui, à la sortie du fleuve, cherchent à gagner la mer. Donc depuis l'Antiquité, il y a eu une préoccupation de la part des hommes justement pour régler ou en tout cas pour contourner cette barre du Rhône. Et à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc le général Marius fait creuser à ses troupes un canal qui doit permettre aux bateaux de grande taille de pénétrer dans le delta du Rhône, qui est alors devenu difficilement accessible en raison de l'élévation de la barre. Donc on ne sait pas à quel type de bateau correspondent ces bateaux de grande taille. Et de même, on ne connaît pas exactement le tracé du canal de Marius, même si sur cette carte présentée au musée de l'Art antique, le canal de Marius est représenté ici. Ce que l'on sait a priori, c'est que le canal débouchait au niveau de Fos sur mer, et Swen et Corinne en parleront un peu plus longuement tout à l'heure. De la même façon, on ne sait pas à quelle période le canal de Marius cesse de fonctionner, mais les géomorphologues, en s'appuyant également sur les sources écrites, pensent que ce canal va cesser de fonctionner à partir du moment où un des bras du Rhône va redevenir accessible, ou en tout cas à un moment donné où l'embouchure va permettre de rendre accessible l'accès à l'un des bras du Rhône. Et cet état, on ne sait pas exactement le situer, peut-être au 1er, peut-être au 2e siècle après Jésus-Christ. Dans tous les cas, ce problème d'embouchure et d'accès au Rhône, je vous l'ai dit, sera permanent et il va perdurer donc jusqu'à notamment jusqu'au début du 19e siècle où un autre canal va être construit. On en a parlé ce matin, le canal d'Arles à Bouc qui permet également de contourner cette embouchure, et on voit ici le débouché du canal au niveau de Port de Bouc, et effectivement là encore le souci était le même. Contourner la barre pour pouvoir accéder au Rhône. Donc, on le voit, donc le delta du Rhône est un espace de navigation très particulier, donc qui va avoir une incidence directe sur les types de navires qui vont fréquenter ce delta. Néanmoins, malgré ces difficultés, le delta du Rhône va être très fréquenté dès l'Antiquité. Donc cette fréquentation est très significative donc à Arles, où depuis la fin des années 1980, il y a des recherches en archéologie subaquatique conduites par le DRASM sous la direction de Luc Long, et depuis le début des années 2000 par le musée de l'Art antique, qui a mis au jour notamment un dépotoir portuaire qui fait état d'une activité portuaire très importante à l'époque romaine. Deuxième endroit où qui montre une activité, une fréquentation et une activité très importante à l'époque romaine, donc au niveau de Fos-sur-Mer, où des structures portuaires très importantes ont été découvertes et qui est représentée ici sur la table de Peutinger par cette vignette, et Swen et Corinne en feront une présentation juste après. Et troisième localisation où on a des témoignages d'une fréquentation importante au niveau des Saintes-Maries-de-la-Mer, où ici donc sur la côte camarguaise, des recherches sont conduites depuis le début des années 80 également par Luc Long du DRASM, et qui a mis au jour, à la sortie des Saintes-Maries-de-la-Mer, un matériel archéologique important qui s'étale entre le 5e siècle avant et le 6e siècle après Jésus-Christ. Et ce matériel est associé à des jats d'encre et des pierres percées qui font dire à Luc Long que l'on aurait affaire ici à un autre avant-port maritime d'Arles. On peut poser la question d'une simple zone de mouillage, voire d'une simple zone de transit. Mais ça, du coup, David Jaoui en parlera demain dans sa communication. Donc, de même, David abordera donc la question des échanges dans cette zone du delta. Et moi, je vais maintenant vous présenter donc les vecteurs de ces échanges que sont les navires, en s'appuyant sur les épaves. Donc au niveau des trois zones que je vous ai présentées très rapidement, on a une centaine d'épaves, toute époque confondue, qui a été découvert. Et sur cette centaine d'épaves, on a un potentiel d'une cinquantaine d'épaves antiques. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire, on va dire, une revue par secteur géographique. Donc au niveau du golfe de Fos, il y a deux zones qui ont été prospectées et, on va dire, fouillées. Donc depuis le début des années 50, Lens Saint-Gervais, sur laquelle reviendra Swen juste après, où ici on a au moins sept épaves antiques qui ont été découvertes et qui sont appelées ici Fos 1, Fos 2, et on a Saint-Gervais 1, 2, etc., jusqu'à Saint-Gervais 7. Dans la partie ouest du golfe de Fos, au niveau de Lens des Laurons, c'est une zone qui a été prospectée depuis la fin des années 70. Et ici, ce sont au moins six épaves avérées qui ont été découvertes. Donc au total, dans le golfe de Fos, sur la douzaine d'épaves, on compte 9 épaves antiques qui sont datées entre le 1er siècle avant et le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc les vestiges de coques varient très fortement d'une épave à l'autre, depuis quelques, on va dire, restes de vestiges en bois à des coques conservées sur 7 à 20 mètres de longueur. Et par ailleurs, les études, la documentation et les études qui ont été faites de ces épaves entre les années 50 et jusqu'à assez récemment sont aussi très inégales d'une épave à l'autre. Donc la synthèse finalement que l'on peut tirer de ce corpus d'épaves, c'est que sur les 9 épaves antiques, il y a 2 épaves qui n'apportent strictement rien à l'étude de notre sujet. Il y a 5 épaves qui vont apporter quelques informations sur les structures, voire le système architectural des navires. Et finalement, il n'y a que 2 épaves qui vont nous apporter des informations sur le type de navire et également sur les qualités hydrostatiques de ces bateaux. Donc la première, l'épave Saint-Gervais III, datée du milieu du 2e siècle après Jésus-Christ, on en a parlé hier dans le cadre de la présentation des ports de Narbonne. Cette épave a été fouillée essentiellement dans les débuts des années 1980 par Jean-Marie Gassin, qui a effectué l'étude architecturale. Et donc c'est un fond de carène conservé assez important, de près de 15 mètres, qui a été étudié. L'épave se trouvait dans 4 mètres de fond et vraisemblablement l'essentiel de la cargaison a été récupéré après le naufrage de ce navire. Et il reste essentiellement donc un ensemble d'une quarantaine d'épaves, une quarantaine d'amphores Dressel 20B qui a permis de rendre célèbre, si l'on peut dire, cette épave en raison de la qualité des inscriptions peintes sur les amphores. C'est aussi cet ensemble de matériel archéologique qui a permis de dater l'épave du milieu du 2e siècle. Donc au niveau des caractéristiques architecturales, on a un bateau classiquement construit selon une conception longitudinale sur bordée, avec un bordé assemblé par tenons et mortaises, des membrures assemblées par gournables. Je passe sur le reste des détails architecturaux. Ce qui est important ici, c'est la restitution qu'en a faite Jean-Marie Gassin d'un bateau d'une longueur de 17 mètres pour une largeur de 7,50 mètres, avec une étrave ici concave et à partir de la restitution graphique qu'il en a restituée, il a calculé un port en lourd, c'est-à-dire une capacité de chargement de ce bateau estimée entre 70 et 80 tonnes, et un tirant d'eau pour un tirant d'eau de 2,40 m. Donc sachant qu'actuellement, cette épave fait l'objet d'une reprise d'études par un étudiant en master d'archéologie maritime, Maurizio Di Bartolo, qui réalise une numérisation 3D et qui devrait peut-être permettre de changer ces chiffres. La deuxième épave, était l'Auron II, est également datée du 2e siècle, de la fin du 2e siècle. Elle a également été fouillée et étudiée par Jean-Marie Gassin, avec une reprise de l'étude par Robert Roman. Donc c'est un fond de carène sensiblement, avec des dimensions sensiblement identiques, qui a été conservé. Et cette épave est surtout connue en raison de son excellent état de conservation sur la partie bâbord, qui a permis de conserver toutes les superstructures de ce bateau avec également quelques éléments de pont. Donc ici, la datation, donc cette épave, le chargement de ce navire a aussi été quasiment entièrement récupéré après son naufrage, et la datation de l'épave repose sur 2 monnaies qui ont été découvertes sur le dos de la quille. On observe quasiment les mêmes caractéristiques architecturales qui correspondent à une construction classique antique. Et la restitution qui a été faite de ce bateau, c'est aussi donc un bateau de mer d'une longueur de 16 mètres avec un port en lourd inférieur à l'autre épave, donc de près de 40 tonnes pour un tirant d'eau d'1,24 m. Ce qui est important également de souligner pour ces deux épaves, c'est qu'on a affaire ici à un type architectural caractéristique de l'époque impériale, c'est-à-dire donc à fond plat, c'est ce que l'on voit donc ici, et qui s'oppose au type républicain qui présente ici donc des fonds pincés. Important également de souligner pour les deux épaves une quille donc assez de section assez petite, mais avec une hauteur qui est supérieure à la largeur. On reviendra dessus tout à l'heure avec l'autre système. Au niveau de l'espace de navigation de ces deux bateaux, donc pour Saint-Gervais-Troyes, on en a aussi parlé hier, on a restitué un dernier voyage de ce bateau donc, qui serait parti de Bétique avec une halte à Narbonne avant de venir s'arrêter à Fos où il a fait naufrage. Pour le rond 2, on n'en a aucune idée. Donc, dans tous les cas, on est dans un contexte de navigation maritime et la question du fluvial se pose, à savoir, est-ce que ces bateaux étaient en attente dans le port maritime de Fos pour pouvoir gagner Arles, que ce soit par le Rhône ou par le canal, en attente de vent favorable pour pouvoir remonter jusqu'à Arles. Donc, point d'interrogation. Au niveau maintenant des Saintes-Maries de la Mer, c'est une centaine d'épaves qui a été découverte. Et sur la centaine d'épaves, ce sont une trentaine d'épaves antiques qui ont été découvertes. Donc ces épaves s'appellent Sainte-Marie de la Mer 1, Sainte-Marie de la Mer 2, etc., SM1 et SM2, puisque ces épaves sont concentrées devant les Saintes-Maries de la Mer, et la concentration d'épaves, vous le voyez ici, forme un lobe d'embouchure. Claude l'a bien expliqué ce matin, ces épaves ont été trouvées aujourd'hui à 3 km des côtes, sur des profondeurs qui ne dépassent pas les 18 mètres, mais on suppose que ces épaves, qui sont datées entre le premier avant et le premier après, ont fait naufrage sur une barre du fleuve situé beaucoup plus proche de la côte, à environ 200 mètres, sur des fonds de 1 mètre à 2 mètres. Sur la trentaine d'épaves recensées, seulement 8 ont conservé des vestiges de coques. Encore une fois, les vestiges sont inégaux d'une épave à l'autre et la documentation et les études sont également inégales d'une épave à l'autre. Et la synthèse que l'on peut tirer de ce corpus, c'est qu'ici, encore une fois, donc deux épaves n'apportent strictement rien à l'étude du dossier. Cinq épaves apportent quelques informations sur les structures, voire le système architectural des navires. Et seule une épave, ici, apporte des informations sur le type de navire. Donc il s'agit de l'épave Sainte-Marie de la Mer 24, qui a fait l'objet de seulement deux expertises au début des années 2000, sous la direction de Luclon. Et j'ai assuré avec Michel Rival la documentation de l'épave. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai assuré l'étude d'archéologie navale de cette épave. Donc ici, on a un fond de carène conservé important sur un peu plus de 10 mètres. Et au niveau des caractéristiques architecturales, on a ici une quille que l'on caractérise de quille plate, même si le terme peut sembler assez abusif, mais tout simplement parce que ici, on a une quille qui est moins haute que large. Et dans tous les cas, la position donc du bordé et des membrures contre la charpente axiale révèle un fond plat du navire. On a également donc les mêmes caractéristiques architecturales au niveau des assemblages que les autres épaves romaines. Cette épave-ci est datée entre 40 et 75 après Jésus-Christ. Elle a été datée par un croisement de datation radiocarbone et l'étude d'une sigillée, d'un fond de céramique. Au niveau des caractéristiques architecturales, la différence ici, c'est qu'on a pour l'assemblage des membrures au bordé, en plus des gournables, des chevilles classiques, un système d'assemblage par ligature interne, donc qui est assez particulier. Donc l'épave SM24 est interprétée comme un gros navire de charge à fond plat de type fluvio-maritime, puisque cette épave présente les caractéristiques du fluvio-maritime avec donc une quille plate, un fond plat et au niveau de la détermination des essences, on a une quille et un bordé en chaîne, ce que l'on ne retrouve jamais sur les navires de mer à l'époque moderne, mais qui est caractéristique des embarcations fluvio-maritimes et également fluviales. La longueur de ce bateau est estimée à 20-25 mètres et le port en lourd, en l'absence de restitution graphique, dans la mesure où aucune extrémité n'a été conservée sur ce bateau, donc on n'a pas pu faire de restitution et donc pas de calcul sur le port en lourd. Cette épave SM24 appartient donc parmi les épaves à vestiges de coques conservées, on en a 5 ici qui sont des épaves qui correspondent à des navires chargés de fer. Et ces 5 épaves s'inscrivent en réalité dans un corpus d'une douzaine de navires chargés de fer qui se sont perdus devant l'embouchure du Rhône, donc entre le 1er siècle et le 1er siècle après Jésus-Christ. Et au niveau de la circulation de ce bateau, la vision homogène qui a jusqu'à présent été donnée de ce trafic commercial, c'est que reposant sur l'analyse de quelques barres de fer de 3 ou 4 épaves de ce corpus, le fer provenant de la partie sud-ouest de la Gaule, on suppose que le fer a été chargé à Narbonne et que les navires se dirigeaient vers les Saintes-Maries de la mer et, selon l'hypothèse de Luclon, les bateaux attendaient soit au mouillage d'être délestés de leur chargement par des bateaux plus petits, soit cherchaient à pénétrer dans le Rhône pour atteindre Arles. Les analyses archéométriques qui sont en cours, qui sont menées par Gaspard Pagès du CNRS, remet quelque peu en cause cette vision d'un trafic commercial orienté est-ouest. Et il est possible qu'une partie des chargements provienne de Gaule centrale, ce qui signifierait à ce moment-là qu'on aurait aussi des navires qui pouvaient tout à fait descendre le Rhône pour chercher à rejoindre les côtes soit du Languedoc, soit les côtes de Provence. Donc selon cette vision descendante, on aurait clairement une circulation fluviale, alliée donc à une circulation maritime. Selon cette hypothèse d'une circulation est-ouest, on aurait clairement une navigation maritime, et à ce moment-là, c'est la question de la navigation fluviale qui se pose. Mais si on s'appuie ici sur le modèle des navigations que nous donnent pour l'époque la fin du Moyen-Âge et le milieu du XIXe siècle les allèges d'Arles, qui est le type de bateau caractéristique du delta du Rhône à cette époque et qui sont des bateaux fluvio-maritimes avec des dimensions similaires à SM24, 25 mètres, avec ici un port en lourd maximum de 65 tonnes et un enfoncement faible, un tirant d'eau inférieur à 1,60 m. Donc ici, l'allège était utilisé pour assurer des transits réguliers entre Arles et les ports du littoral provençal et les ports du littoral languedocien. Donc si on s'inspire de ce modèle de navigation pour réfléchir donc à la circulation des navires chargés de fer, s'interroge sur la pertinence qu'auraient eu ces navires à s'arrêter dans une zone de mouillage ici, après avoir effectué une navigation d'à peine 120 km, et surtout s'il s'agit bien donc de navires fluvio-maritimes avec un enfoncement faible, ces bateaux auraient été clairement en capacité de rejoindre directement Arles. Donc ici, la question se pose de cet ensemble de navires, donc des navires fluvio-maritimes, qui seraient des bateaux de construction régionale qu'on pourrait donc comparer aux allèges d'Arles. On arrive enfin à la troisième zone géographique, donc avec le Rhône, où les recherches sont conduites sur la rive droite du Rhône. Vous avez ici le musée de l'art antique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a un dépotoir très important qui a été mis au jour, et également d'autres découvertes qui ont rendu célèbres les fouilles du Rhône, notamment ce buste attribué à César, qui a donné lieu à une grande exposition. Et ici, sur 17 épaves découvertes à présent, 12 sont des épaves antiques. Donc ces épaves sont appelées Arles-Rhône 2, 3, etc. Et sur la douzaine d'épaves découvertes, donc ici, on a donc des bateaux, très peu de bateaux qui nous apportent que quelques informations sur les structures, voire le système architectural des bateaux. On a 5 épaves qui nous apportent des informations sur les types de bateaux, et on a une épave, Arles-Rhône 3, qui nous apporte des informations sur le type de bateau, mais aussi sur le lieu de construction présumé et l'espace de navigation. Donc rapidement, on a donc l'épave Arles-Rhône 10 qui atteste d'un radeau daté entre 32 et 320 après Jésus-Christ. On a ensuite deux épaves, donc l'épave Arles-Rhône 3 et l'épave Arles-Rhône 5, avec l'épave ici présentée Arles-Rhône 3 qui a été fouillée et relevée en 2011, qui est aujourd'hui exposée au musée départemental Arles-Antique. Arles-Rhône 5 est aussi un chaland gallo-romain qui a fait l'objet de deux courtes opérations. Il s'agit aussi d'un chaland, mais qui, à l'inverse d'Arles-Rhône 3 qui a coulé avec tout son dernier chargement, Arles-Rhône 5 est un bateau abandonné et qui est abîmé avec une extrémité ici qui a été arrachée. Donc dans les deux cas, on a des grands chalands gallo-romains avec des dimensions sensiblement identiques, 31 mètres de longueur sur un peu moins de 3 mètres de largeur. Donc Arleron 3, on connaît sa forme, c'est un bateau très bien conservé. Arleron 5, on ne connaît pas la forme de l'extrémité avant du bateau. Mais on a des caractéristiques similaires. On est ici dans un système architectural complètement différent des bateaux présentés jusqu'à présent, puisqu'on a ici un fond plat et des flancs qui sont constitués par des demi-troncs de sapins. Et l'ensemble des structures de ces bateaux sont assemblées exclusivement par des clous en fer. Et on a une étanchéité assurée par un système de tissu poissé qu'on appelle le luitage, qui est caractéristique d'une tradition méditerranéenne. Donc les dimensions que j'ai données tout à l'heure, avec un enfoncement donc assez faible, de l'ordre de 51 cm. L'espace de navigation du chaland Arleron 3, on le connaît parfaitement en raison de son dernier chargement, qui provient des carrières de Saint-Gabriel. Le bateau a fait naufrage à Arles, au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, sans doute au cours d'une crue. Et ce bateau donc évoluait dans la section inférieure du Rhône et également en Camargue, et on a une attestation, des indices qui montrent que ce bateau a transporté à un moment donné soit des chèvres, soit des moutons à la remontée depuis la Camargue jusqu'à Arles. Je passe très rapidement les épaves Arleron 7, 8 et 14 qui sont actuellement en cours de fouille ou d'expertise sous la direction de Luclon. Correspondent, donc on a des très petites parties qui ont été ouvertes, mais on a pu, le système architectural de ces bateaux a pu être déterminé et on peut les attribuer à des navires fluvio-maritimes en raison de leur fond plat, d'un avant pincé, et on retrouve également, comme sur les bateaux maritimes, des assemblages débordés par tenons et mortaises et des assemblages démembrures par gournables et clous. La seule interrogation sur donc les publications faites par Luclon, c'est qu'il dit que ces épaves sont dépourvues de quilles, ce qui semble étonnant. On peut penser que ces épaves étaient pourvues d'une quille qu'on appelle, comme on l'a vu tout à l'heure, une quille plate. Donc des navires fluvio-maritimes avec des dimensions restituées donc uniquement par Arleron 7 puisqu'on a les deux extrémités, environ 20 mètres. En revanche, le grisé, le port en lourd en grisé, c'est une interrogation puisque les données qui sont publiées de l'ordre de 40-50 tonnes, c'est difficile d'estimer, on va dire, une capacité de chargement quand on n'a pas pu faire de restitution, on va dire, graphique de ce bateau. Pour les autres épaves, donc aucune dimension. Et pour l'espace de navigation, on n'en sait rien puisqu'aucune cargaison d'immobilier n'a été conservée sur ces navires. Dernière épave du Rhône, l'épave Arleron 13, datée du 3e, 4e siècle. Ici aussi, une expertise conduite par Luclon, donc sur une petite partie de cette embarcation, qui permet de révéler un système architectural également donc avec quilles, mais avec un type de carène différent, puisqu'ici, donc, on a un bateau donc classiquement assemblé tenons et mortaises, mais qui correspond ici à un bateau de mer. Donc ici, la carène est retournée, on a un fond de carène retourné qui correspond à un type de bateau de mer à fond pincé, donc on voit ici, qui s'oppose ici au fond plat qu'on a vu tout à l'heure. Pareil, au niveau des dimensions port en lourd et des chiffres donnés, on a des dimensions qui nous sont données, mais sur lesquelles on peut s'interroger, puisque pour l'instant, aucune restitution n'a pu être faite de ce bateau. Le bilan pour l'ensemble du delta du Rhône, c'est que sur la trentaine d'épaves antiques conservées, seules 10 épaves permettent de déterminer 3 systèmes architecturaux, donc le radeau, le chaland avec les fonds plats et les systèmes quillés des bateaux fluviaux maritimes et bateaux de mer. Et on peut distinguer donc 4 navires différents, un radeau, 2 chalands, 4 fluviaux maritimes et 3 navires de mer avec 2 fonds de carène différents. Donc, au travers de ces 10 épaves, on peut mettre en évidence une diversité des navires qui fréquentaient le delta du Rhône à l'époque romaine. Et toutes ces épaves, c'est important de dire, correspondent à des bateaux à vocation a priori commerciale. Et donc, on n'a pas non plus toute la, on va dire, flottille des bateaux de pêche ou des petits bateaux de transport d'hommes qui devaient pouvoir aussi circuler. Au niveau de la circulation, donc Arleron 3 et Arleron 5, c'est des bateaux entièrement dédiés à la circulation sur le Rhône, sur le fleuve. Fosse 2 et Saint-Gervais 3, je vous l'ai dit, on ne sait pas si ces bateaux ont pu circuler sur le fleuve ou le canal de Marius. En revanche, on sait, grâce à Arleron 13, qu'on a des petits bateaux maritimes qui pouvaient arriver jusqu'à Arles. SM24 nous montre une navigation clairement de type fluvio-maritime, qui associe la mer et le fleuve. Et pour ces trois épaves, on ne sait pas si ces trois fluvio-maritimes étaient dédiés à une circulation plus large, on va dire, en Méditerranée, ou servaient simplement à descendre le fleuve pour aller à l'embouchure décharger les plus gros bateaux de mer. Donc clairement, au travers de ces trois types de navires, ce que l'on perçoit aussi, surtout pour les navires de mer, c'est que ce sont des petits bateaux, des petits navires de moins de 70 tonnes de port en lourd, avec un enfoncement de moins de 2,50 m. Je vous rappelle ici le chiffre donné pour les sources de l'époque moderne, et qui s'opposent de très loin à ces très gros bateaux qu'on connaît pour l'époque romaine. Donc on revient un petit peu en arrière avec la madrague de Gien, mais c'est simplement pour vous donner une idée des bateaux de commerce que l'on pouvait avoir à l'époque romaine, avec des longueurs de 40 mètres et des tirants d'eau importants de plus de 3 mètres. Il me reste juste la partie à voir, donc des navigations qui va être très court, puisque donc on va avoir donc au niveau des navigations, pour remonter donc depuis la mer jusqu'à Arles, c'est le vent qui va être utilisé pour les fluviaux maritimes et les maritimes. Et donc les sources de l'époque moderne évoquent clairement des bateaux qui stationnent et qui attendent les vents favorables pour pouvoir remonter. On va également pour la descente utiliser le vent, et dans l'Antiquité la direction est assurée par un gouvernail latéral compensé. Pour ce qui est des chalands, donc les chalands descendent le Rhône, le fleuve à Grédo, avec pour la direction qui est assurée par une rame gouvernail axiale placée sur l'arrière. Pour la remontée du Rhône, pour les chalands, c'est le halage qui est utilisé. Avec jusqu'à la fin du XVe siècle, ce sont des hommes qui vont tirer les bateaux. Mais la question se pose du halage entre le delta et Arles, puisque les rives sont difficilement praticables et changent, on va dire, d'une saison à l'autre. Je terminerai avec ces deux diapositives. Donc la première, donc voilà pour un bilan assez rapide de ce que l'on peut tirer de ce dossier. La question qui se pose, c'est l'organisation des navigations, avec notamment la question des allèges et du transbordement des marchandises. On imagine mal que ce transbordement soit réalisé sur les chalands que je vous ai présentés tout à l'heure, et par exemple sur les fluviaux maritimes mis au jour, on ne sait pas s'il peut s'agir d'oreillas telles que celles qui ont été trouvées à Toulon et à Naples, qui sont des bateaux de servitude portuaire qui servent d'allège. Ce sont des fluviaux maritimes avec une extrémité avant à tableau et qui permettaient donc d'assurer le transbordement des marchandises depuis l'embouchure jusqu'au port fluvial. Également, au travers de ce dossier, pour l'instant, on n'a aucune idée des relations entre les corporations que l'on connaît, de naviculaires et de lénunculaires, qui sont attestées à Arles par les sources épigraphiques, et plus largement avec les nôtres du Rhône, qui sont attestées sur le reste du Rhône. Donc en conclusion, donc pour un premier bilan donc de ce dossier, donc on peut extraire voilà les données que l'on peut extraire, et au niveau des orientations, il faudrait clairement reprendre ou poursuivre certaines fouilles, notamment dans le Rhône, afin de pouvoir accroître la documentation. Il serait nécessaire aussi, à partir des épaves présentées, de réaliser des modélisations 3D des restitutions qui pourront nous permettre de donner des chiffres sur lesquels s'appuyer sur les ports en lourd, les tirants d'eau, les qualités hydrostatiques de ces bateaux. Une autre piste de recherche serait de conduire des études dendrologiques couplées à des analyses polliniques qui nous permettraient de mieux cerner des zones de construction de ces bateaux. Et enfin, les études d'archéologie navale qui doivent se poursuivre devront être couplées avec l'étude des flux commerciaux. Et ici, je parle des flux commerciaux puisqu'on a très peu de cargaisons conservées sur ces épaves qui devraient nous permettre de mieux appréhender les espaces de navigation de ces bateaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour le retard. Merci pour cette communication qui montre, dans laquelle tu as bien montré l'extrême variété des solutions adoptées, malgré le relatif petit nombre des épaves qui sont vraiment utiles. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fin de compte, c'est frappant de constater la discordance entre le nombre d'épaves trouvées et publiées, parfois pas bien d'ailleurs, et le nombre d'épaves qui peuvent servir à illustrer notre propos. Je laisse tout de suite, sans plus attendre, la parole à la salle pour les questions qui devraient être posées. J'aurais une petite question au sujet des laurons. Autant on peut avoir des explications sur le nombre d'épaves et la dangerosité de la circulation à l'embouchure du Rhône et dans la barre du fleuve, mais pourquoi trouver autant d'épaves au Lauron? Tu as parlé de 7 épaves. Il n'y a pas de dangerosité particulière. On est dans des calanques super bien protégées du sud-est. Est-ce que tu as une idée? Et une toute petite remarque au sujet du canal du Marius, que les sédimentologues pourraient... Là, attention au raisonnement circulaire. Les sédimentologues, ils n'ont pas encore étudié le canal de Marius, puisqu'on n'a pas, on a pas trouvé. Et tant qu'on n'a pas trouvé, on ne sait pas quand il s'est colmaté, s'il s'est colmaté, où il était, etc. Moi, je n'ai pas eu le temps de développer les questions du canal de Marius, mais je pense qu'il faudra qu'on avance beaucoup sur cette question. Donc, pourquoi autant d'épaves au Lauron, c'est ça le... Canal de Marius, effectivement, j'ai fait assez rapide, contrairement au reste, parce que Swen, effectivement, en parlera un peu plus après. Pour les laurons, c'est compliqué, effectivement, de répondre, parce qu'on est dans une anse assez abritée, comme tu l'as dit. Et j'ai parlé de 6 épaves, mais les prospections parlent de 10 épaves. J'en ai retenu 6, parce qu'il y en a 4, on peut vraiment se demander, ils sont vraiment des épaves. Et on ne sait pas grand-chose de ces épaves, parce que finalement, à part Lauron 2, elles n'ont pas été étudiées. Et a priori, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce sont des épaves qui n'ont pas de chargement, donc sans doute un chargement récupéré. Et la seule hypothèse qui a été émise à propos de Lauron 2, c'est que ce bateau aurait fait naufrage à un moment donné, alors que le bateau s'apprêtait à être mis en carénage ou en réparation. Donc voilà, pourquoi pas imaginer effectivement un lieu justement à l'abri où on peut faire du carénage. Ça pourrait être intéressant, de toute façon c'est un dossier à reprendre. Est-ce que les autres bateaux présentent des réparations? Est-ce que c'est une zone effectivement d'entretien de bateaux et où on pourra abandonner les bateaux qui sont plus utiles ou récupérer des bois sur ces bateaux? Donc là on est vraiment au stade des hypothèses parce qu'on n'en sait rien, mais effectivement il n'y a aucune raison d'avoir des bateaux qui ont fait naufrage subitement dans cette zone. Moi j'avais peut-être une explication qu'on m'avait livré Jean-Marie Gassin ou Jean Piton, je sais pas. Il m'avait expliqué que lorsqu'il travaillait sur les Laurons, à un moment donné, la mer s'était retirée de manière assez importante. Ils avaient pris peur, ils ont pris les voitures. Et quelques temps après, il y a eu une grande vague qui est arrivée presque jusqu'à hauteur des voitures. Alors, est-ce qu'il y a une activité sismique dans le coin? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui avait été relayé par Jean-Marie Gassin. Oui, sur une question sur les Laurons, puis une autre question ensuite. Est-ce que certaines des épaves des Laurons peuvent être mises en relation avec l'existence de la villa maritime dont on a parlé sur le littoral? Ça fait pas la Beaumasse. Ben, les petites structures, je connais pas grand-chose effectivement de cette villa maritime. C'est pas les Beaumasses, hein, c'est la petite villa. Ouais, mais je connais pas grand chose. Je suis pas sûre qu'il y ait grand chose qui ait été fait sur ces structures. Hein. Mais c'est ce que vous allez faire bientôt, donc. Voilà, on n'a pas tenté pour l'instant, mais je voulais savoir si tu avais du nouveau là-dessus. En plus, là, ça n'a pas été tenté. Ce que j'ai pas précisé en introduction, c'est que donc c'est une étude en cours. Le dossier, je l'ai repris depuis récemment, et c'est une étude qui s'appuie pour l'instant, à l'exception des 3 épaves que j'ai pu étudier moi-même, vraiment sur de la bibliographie. Donc maintenant, il va falloir faire un travail, on va dire, de plonger dans les archives pour essayer de retrouver d'autres documents. Voilà, parce que dans la bibliographie, effectivement, dans les archives, on a parlé aussi d'un port au Lauron. Oui, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais il y a des infrastructures qui sont identifiées comme des digues, des jetées. Mais là, l'idée, c'était vraiment d'essayer de voir ce qu'on pouvait retirer de ce dossier et vraiment de donner des orientations et des perspectives pour la suite. Et j'avais alors une deuxième question sur les 3 grands ensembles géographiques que tu as présentés, les Laurons, Golfe de Fos d'un côté, les Sainte-Marie et les épaves du Rhône. On a l'impression que de ces 3 grands ensembles ne se distinguent pas des types de navires différents. Finalement, dans ces 3 grands ensembles, on va retrouver, à part les chalands qu'on ne retrouve que dans le Rhône, mais on va retrouver bateaux de mer, bateaux fluviaux maritimes dans les 3 grands ensembles. Et alors, l'idée pour Fos, est-ce qu'il y avait des entrepôts à Fos? Est-ce que forcément ces bateaux comme Saint-Gervais III se rendaient à Arles, ou est-ce qu'ils pouvaient décharger les marchandises sur Fos? Alors la question pour FOSS, je la laisse à Swen, c'est ça, la présentation qui va suivre. Après, effectivement, dans les types de bateaux que j'ai présentés, donc bateaux de mer, mais petits bateaux de mer, mais avec deux systèmes architecturaux, fond pincé, fond plat, fluvio-maritime, mais est-ce que ce sont des fluvio-maritimes qui circulent à l'échelle régionale ou uniquement à l'échelle du delta? Mais dans tous les cas, ce qui ressort, on va dire, c'est... Pour l'instant, c'est difficile de raisonner sur 10 épaves et voire même plus restreintes dans, si on élimine les chalands. C'est que finalement, ce qui compte, c'est pas tant la forme du bateau que le tirant d'eau. Quand on parle, on raisonne sur les quilles plates, fonds plates sur les fluviaux maritimes, on voit que les bateaux de mer peuvent aussi circuler. Donc oui, c'est vraiment l'enfoncement, le tirant d'eau qui va déterminer le passage et la circulation. Et ce qui est important de dire, c'est que 2000 ans plus tard, Arles, c'est toujours un port fluvio-maritime. On a toujours des bateaux fluvio-maritimes qui arrivent en droite ligne d'Alexandrie et qui, sans rupture de charge, arrivent directement à Arles, qui constitue la zone de rupture de charge. David en parlera demain. C'est à propos... Enfin, c'est pas une question, c'est une réflexion que je me suis faite. Il y a une épave des Saintes-Maries, si j'ai bien compris, avec du fer, oui, dont on se demande, en réalité, si c'est du fer qui vient de la Narbonnaise ou qui viendrait de Gaulle, et donc ce serait un bateau qui descendrait, en fait. Et ça m'a fait penser à ce que Loïc Ménanteau nous a présenté ce matin, c'est-à-dire des échouages de sortie de la barre. Exactement. Plus nombreux, en plus, on voyait beaucoup plus nombreux sur les listes présentées que les échouages d'entrée. Exactement, parce que jusqu'à présent, avec ces épaves des Saintes-Maries de la Mer, on a toujours raisonné sur des épaves qui se sont échouées alors qu'ils cherchaient à pénétrer dans le delta du Rhône. Or, les analyses archéométriques qui sont actuellement en cours montrent que ce raisonnement repose sur l'analyse de barres de fer de seulement 3 ou 4 épaves, mais qu'il y a 5 ou 6 autres épaves dont les barres n'ont pas encore été analysées, qui pourraient provenir de Gaulle centrale, et effectivement, à ce moment-là, on aurait une descente de ces bateaux. On a une autre épave qui s'appelle SM1, dont j'ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas de vestiges de coque conservés, qui, elle, transportait des lingots de plomb dont on a pu prouver que ces lingots provenaient de Germanie. Et c'était donc un navire, clairement, qui descendait le Rhône. Et quand on parle tout à l'heure, en introduction, j'ai dit que pour les époques médiévales et modernes, on a pas mal de sources écrites. Et il y a une recension des, comme l'a fait monsieur pour le Guadalquivir, une recension des épaves modernes qui a été faite par Albert Illouz sur la Camargue. Et alors, on n'a pas toujours l'indication, mais effectivement, ça m'a frappé effectivement à la lecture de cette recension, qu'on n'a pas que des bateaux qui s'échouent en cherchant à pénétrer dans le fleuve, mais qui s'échouent aussi à la descente. Je remercie Sabrina Marlier pour son exposé extrêmement riche, et les questions se bousculent évidemment. Alors, vous avez présenté des épaves qui sont les épaves, enfin Saint-Gervais ou Laurent II, qui sont des navires très courts, quoi, des navires maritimes. Des petits bateaux, oui. Extrêmement courts, quoi, qui ont un coefficient de finesse inférieur à 3, quoi, ce qui est extraordinaire. Et puis le chaland Arles, c'est le navire long typique, quoi, hein, avec d'ailleurs une dimension qui approche celle des plus grands navires sauniers du XIIIe ou du XIVe siècle. Hein. Elle les approche. Et puis alors, il y a cette épave très intéressante, Sainte-Marie de la Mer 24. Alors, vous estimez la longueur du navire à 20 à 25 mètres, et vous ne donnez pas la largeur envisagée. Parce que pour estimer la longueur... Parce que quand même ce rapport qui est intéressant. Oui, sauf que moi je suis assez prudente, à savoir que si... Enfin, la longueur, elle a été... La longueur estimée, elle l'est sur des indices, on va dire, très précises, retrouvés sur la coque à partir de la position présumée de l'emplanture de mât. En revanche, au niveau de la largeur, je ne sais plus, l'épave, elle est conservée, je crois, sur 4 ou 5 mètres de large. Donc, il faudrait... Pour pouvoir estimer la largeur, il faudrait faire une restitution des fentes, parce que là, le bateau, il est... voilà. Oui, d'accord. Et donc, non. Après, on peut essayer de faire un rapport, un ratio classique, on va dire, pour les bateaux. Si c'est un navire deltaïque, il ne faut pas que la largeur dépasse 6 mètres, 5 à 6 mètres. Oui, si on fait un rapport classique, oui, mais c'est vrai que en l'absence de vestiges suffisants... Oui, bon, vous êtes prudente, quoi. J'ai pas donné d'indication. Vous êtes prudente. Ouais. Il y a deux autres remarques. Le tirant d'eau, évidemment, il dépend de la cargaison, hein, il dépend de la charge. Oui, sauf que là, le chargement, il est difficilement estimable, puisque c'est aussi un chargement de barres de fer complètement concrétionné. Mais je veux dire, on ne peut pas déduire de dimension un tirant d'eau. On ne peut pas déduire de tirant d'eau. Des dimensions du navire, un tirant d'eau. Si, alors, le tirant d'eau, il est variable. Oui, mais le tirant d'eau, en fait, à chaque fois que j'ai donné des indications de tirant d'eau, ce sont des tirants d'eau qui ont été calculés à partir d'une restitution graphique des bateaux, sur lesquels on peut faire donc des estimations. Ah, oui. L'enfoncement maximum. À chaque fois que j'ai donné maximum, un tirant d'eau, oui. C'est l'enfoncement maximum. Oui, oui, oui, et qui oui. a été réalisé d'après les restitutions graphiques. Oui, oui, donc, oui. à chaque fois que j'ai mis des chiffres en grisé, c'est vraiment des chiffres dont on est, selon moi, absolument pas sûr. Oui, deux autres remarques, et j'en termine. C'est que vous posiez la question de l'organisation maritime entre Arles et la mer, mm-hmm. en particulier pour l'Armance. Au Moyen-Âge, en tout cas, la cité, l'archevêque en particulier, se préoccupait de ce problème, et il y avait une organisation de portitores qui prenait en charge les navires de la barre jusqu'à la cité d'Arles. Avec des tarifs fixés, réglementés, quoi. Tel point à tel point ou tel point à tel point. Justement, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'on a des indications pour ces époques, mais pour l'Antiquité, voilà, on n'en sait rien. Ouais, d'accord. Et on a des, on connaît des corporations qui sont attestées à Arles, mais comment elles fonctionnaient et, oui, au niveau de l'organisation affaire, on, ouais. C'est une autre affaire. Puis alors, ma dernière remarque, mais enfin, c'est ce qui concerne l'espace de navigation, pour être extrêmement prudent, hein. L'espace de navigation, cette notion d'espace de navigation, elle procède de théorie de François Baudouin, qui était un excellent ethnologue et qui faisait de l'architecture navale, pour, en tout cas pour le 18e et 19e, des maquettes très précises, et qui voyait le navire comme une végétation, quoi. Une végétation liée à son milieu, étroitement liée à son milieu. Seulement, moi, au 14e, 15e et 16e siècle, je vois des deltaïques, des gens des Sainte-Marie de la Mer, ou d'Albaron, ou de Saint-Gilles, qui commandent des navires sur la Basse-Isère, ou sur le Haut-Rhône, et puis je vois des gens du Haut-Rhône, ou de Valence, qui commandent des navires à des charpentiers de Saint-Gilles ou d'Arles. Alors, le delta, en tout cas, au Moyen-Âge, c'était un rassemblement, une connexion de navires de toutes origines, quoi. C'est sûr que là, on a une vision alors, qui est assez... Alors, faut être très prudent, hein. On a une vision assez étroite et réduite, mais oui. Simplement pour rebondir sur l'espace de navigation, oui. François Baudouin, mais derrière, on va dire, Patrice Pomay, Eric Ritt, et aussi les anglo-saxons, Christer Westerdahl, notamment, ont beaucoup réfléchi sur cette notion, et qui a été très développée. Donc, c'est pas seulement, on va dire, pour les périodes récentes, et c'est pas seulement François Baudouin, qui est ethnologue, qui a travaillé sur cette notion, hein. Moi, je voulais juste revenir sur les hypothèses dont les barres de fer pouvaient redescendre les barres du Rhône. Donc, en fait, il faut savoir que la grande majorité des épaves chargées de barres de fer ont un système d'estampillage extrêmement singulier et également une typologie extrêmement particulière, dans le sens où chaque barre correspond à une forme, à une qualité de fer différente. Et ces barres ont été analysées par des micro-inclusions de scories et on a pu établir pour quelques-unes, il est vrai qu'il s'agissait de la montagne noire au nord de Narbonne, ce qui suppose que ces bateaux remontaient le Rhône. Et on a tendance, je pense, avec raison, à envisager que toutes les barres qui sont estampillées de la même façon, de façon extrêmement singulière, qui correspondent à des qualités de fer différents, correspondent à ce même mouvement ascendant. La seule épave qui vraiment descendait le Rhône, c'est SM1. Et SM1, effectivement, avec la mention Germanicum, ne laisse pas de doute. En revanche, cette épave est un peu particulière parce qu'on a une contre-marque impériale avec marqué Imperatoris Caesaris, qui laisse supposer que, effectivement, ces lingots propriété de Rome avaient une destination assez précise. Donc voilà, juste pour dire ça. Et SM24, pour l'instant, on ne sait pas d'où provient le fer encore. Et c'est vraiment une épave qui, apparemment, enfin, selon Gaspard Pagès, diffère quand même du reste du groupe. À Narbonne, il y avait effectivement le fer qui venait de montagnes noires, de Corbières, donc c'était un endroit, un col, où on stockait différents fers dessus. Non, bien sûr, mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on a vraiment, ouais, on a une vision assez homogène et un peu peut-être trop simpliste, on va dire, de ce commerce qui est quand même en train d'être remis en question, on va dire, actuellement. De toute façon, il y avait forcément des navires qui descendaient le Rhône. En fait, ça fait rêver pour le Tibre, parce qu'on n'a aucune, aucune notion de ce côté-là. Et c'est vrai que les chalands sont une notion intéressante. Et je sais que c'est dans les orientations, les perspectives. Mais réfléchir sur le système du halage, donc vous avez des problèmes par rapport au Tibre. Et nous, de l'île Tibérine jusqu'au nord, et notamment il y a une zone où on s'approvisionne en bois et en briques, qui est la zone d'Orté, qui est quand même à 60 km. Et donc ça fait à peu près 80 km de fleuve. On n'arrive pas à imaginer le halage régulier, donc d'où les solutions sur le radeau, etc. Mmh. Est-ce que pour le Rhône, on peut avoir une estimation du maximum de distance de halage? Est-ce que c'est des perspectives qu'on pourrait envisager en comparaison? Alors clairement, pour le halage, on a très peu de sources pour l'Antiquité. Enfin, je pense que vous connaissez le dossier. Et pour le halage, moi, je me suis du coup beaucoup inspirée des travaux de Jacques Rossio pour le Moyen-Âge sur le Rhône. Et du coup, c'est enfin, grâce aux travaux effectués par Monsieur Rossio, donc on peut avoir des chiffres effectivement sur la durée de remontée, sur les sections, on va dire, de halage. Pour l'Antiquité, c'est difficile. On a très très peu d'informations. Enfin, on a quasiment aucune source écrite qui nous donne des indications précises. C'est en fait une micro-remarque qui concernait le bateau que tu as montré avec du matériel de Norvège. Ouais. Mm-hmm. Et tu as dit le bateau, il a fait la bétique d'Arbonne. Excellent. Je dirais à quoi bon s'arrêter à Narbonne. Donc soit il y a deux possibilités. Effectivement, soit tu dis va de la bétique directement en Gaule du Sud. Au débouché du Rhône, soit plutôt il prend le matériel à Narbonne parce qu'il y a déjà des bateaux qui ont fait Bétique Narbonne. Donc c'était un peu bizarre la façon dont tu l'as présenté, mais c'était peut-être un raccourci. Alors écoute, ouais, sur la partie, on va dire cette partie-là, partie commerciale, je peux renvoyer à David, mais sinon aussi, Marie-Pierre me disait que justement sur l'épave découverte à Narbonne, c'est ça, vous avez exactement le même assemblage de cargaison. Oui, mais en tout cas, voilà, moi j'avais repris cette trajectoire qui avait été établie par Bernard Liou à partir de l'assemblage du matériel. Dans tous les cas, ça nous fait quand même un espace clairement maritime. C'est ce qui m'intéressait.